Quand on fait ça, on me dit ça vite là. Moi j'y vais et on se croit. C'est pas qui c'est que la dame. Lorsque je chante en français, on me dit ça vite là. Moi j'y vais et on se croit. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis. M'abonnez à votre